franceinter.com. Le huitième mort de Tibérine. Un mort un peu oublié tant l'émotion suscitée par l'assassinat des sept moines l'a emporté. Une émotion qui s'est à nouveau exprimée grâce au très beau film de Xavier Beauvois, Des dieux et des hommes. Ce huitième mort, c'est Pierre Clavery, l'évêque d'Oran, victime d'un attentat à la bombe 2 mois seulement après l'exécution des moines, car il ne fait nul doute que cet assassinat est directement lié au drame de Tibérine. Ce n'est pas le moindre mystère d'une affaire qui est loin d'être éclaircie et qui, 14 ans après les faits, fait toujours l'objet d'une information judiciaire en France. Une affaire d'autant plus actuelle que le récent enlèvement de Français au Niger a vraisemblablement été perpétré par Al-Qaïda Maghreb islamique, une organisation où l'on retrouve beaucoup d'anciens du GIA algérien. Ce GIA qui, officiellement, est l'auteur de l'enlèvement des moines de Tibérine. Monsieur X a une première fois évoqué ce dossier en 2002 et déjà, il mettait en lumière les falsifications et les manipulations qui entourent cette affaire et ont si longtemps étouffé la manifestation de la vérité. Il m'a donc proposé de rouvrir ce dossier à l'occasion de la sortie du film de Beauvois. En effet, depuis 2002, l'enquête a progressé et la nomination d'un juge d'instruction déterminé permet d'espérer qu'un jour prochain, la vérité émergera enfin. Malgré la raison d'État, malgré un silence coupable entretenu tant à Paris qu'à Alger, car au centre de cette affaire se trouvent les rapports complexes et ambigus qu'entretiennent la France et l'Algérie depuis des décennies. Tant de pluie tout à coup sur nos fronts, sur nos champs, nos maisons. Un déluge ici, l'orage en cette saison. Quelle en est la raison? Est-ce pour noyer tous nos parjures ou laver nos blessures? Est-ce pour des moissons, des terreaux plus fertiles? Est-ce pour les détruire? Pourquoi cette pluie? Pourquoi est-ce un message, est-ce un cri du ciel? J'ai froid à mon pays, j'ai froid. As-tu perdu les rayons de ton soleil? Pourquoi cette pluie? Pourquoi est-ce un bienfait? Est-ce pour nous punir? J'ai froid à mon pays, j'ai froid. Faut-il le fêter ou bien le maudire? J'ai cherché dans le livre qui sait, au creux de ces versets, j'y ai lu, cherche les réponses à ta question, cherche le trait d'union. Coule pluie, coule sur nos fronts. Je voudrais commencer par un fait qui vous paraîtra peut-être anecdotique, mais qui est très révélateur du peu d'empressement de la justice française à faire la lumière sur le drame de Tibérine. Mmh. En mai 2007, le juge antiterroriste Bruguière ayant choisi d'abandonner la magistrature pour se lancer sans grand succès dans la politique. Un nouveau magistrat instructeur hérite du dossier de l'assassinat des sept moines. Ouais, c'est le juge Trévidic, hein, je crois, qui a aussi en charge d'ailleurs l'affaire de l'attentat de Karachi. Oui, c'est ça. Ce magistrat est intrigué par la présence dans le bureau qu'il occupe dorénavant d'un coffre-fort. Donc, assez bizarrement, on ne lui a pas donné la clé. Et ce bureau était celui de Bruyère. Oui, ouais. Bah, c'est naturellement le nouveau magistrat veut savoir ce que contient éventuellement ce coffre. Et procédure assez inédite, il procède alors à une perquisition dans son propre bureau. Il fait ouvrir le coffre-fort. Et sous les yeux de sa greffière, il fait l'inventaire de son contenu. Alors, que découvre-t-il ? Des bandes vidéo et audio. Des témoignages de repentis du GIA. Ouais, le groupe islamique armé. Le GIA, oui, qui, selon la thèse officielle, est le responsable de l'assassinat des moines. Ces repentis ont été auditionnés par la police algérienne à la demande des autorités judiciaires françaises. Or, la plupart de ces dépositions ne sont pas archivées dans le dossier d'instruction légué par Bruguière. Elles ont donc été oubliées. Oubliées, c'est un euphémisme. En tout cas, il y a là des informations qui n'ont pas été exploitées. Attendez, quand même, avant d'aller plus loin, là. Quelle peut être la valeur de ces témoignages qui ont peut-être été recueillis sous la contrainte, hein, étant donné les méthodes de la police algérienne. Mais vous avez raison. Alors, refermons provisoirement la parenthèse. Je vous propose d'abord de revenir sur les faits qui ont précédé la disparition des moines. Et pardon si je suis amené à me répéter. Et commençons là, par la vie de ces trappistes à Tibérine. Hein. Une existence longuement évoquée par le film de Beauvoir. Hein. C'est le vrai sujet du cinéaste. Car le film s'arrête au moment où les moines sont pris en otage. Bon, disons-le tout de suite que ces quelques moines trappistes vivaient en parfaite osmose avec la population. Certains, à commencer par le prieur et le médecin, avaient d'ailleurs la nationalité algérienne. Ils n'étaient donc pas reclus ? Pas du tout. Leur contact avec les villageois était permanent. Ils les soignaient, les aidaient, cultivaient avec eux la terre du monastère. Le prieur, Christian de Chergé, avait même mis à leur disposition une pièce du monastère qui leur servait de salle de prière. Une sorte de mosquée, quoi. Les moines étaient donc parfaitement acceptés. Ah, c'est certain. Et cela malgré la montée de l'islamisme et les violences qui commencent en 1991. C'est-à-dire après la confiscation par le pouvoir de la victoire électorale du fils, hein, le Front islamique du salut. Et pourtant, dans la ville voisine, Médéa, l'islamisme triomphe et les tueries sont presque quotidiennes. Mais les moines se gardent bien de prendre parti. Tous sont les bienvenus à Tibérine. On y soigne aussi bien les maquisards que les soldats de l'armée. Toutefois, fin 1993, il y a une première alerte. 13 Croates qui travaillaient sur le chantier d'un tunnel près du couvent sont assassinés. Par les islamistes ? Le GIA, oui. Le GIA qui a lancé un ultimatum. Tous les étrangers doivent quitter l'Algérie. S'ils restent, ce sera au péril de leur vie. Et les moines se sentent concernés ? Oui, même ceux qui sont naturalisés. Alors les frères se concertent. Doivent-ils partir ? Ils votent et le non l'emporte. Ils resteront. Mais 15 jours après le massacre des Croates, la nuit de Noël 1993, une petite troupe essaie de s'introduire dans le monastère. Le chef est un certain Atiya, émir des bandes armées de la région. C'est lui qui a ordonné l'assassinat des Croates. Les moines ont donc tout à craindre. Ah oui, ils ne sont guère rassurés. Mais le prieur fait face. Il discute pied à pied avec Atiya pendant une partie de la nuit. Mais que veulent ces islamistes ? De l'argent et des médicaments. Sous la menace de leurs armes, ils exigent aussi que le frère Luc, qui est médecin, vienne soigner leurs blessés. Mais le prieur oppose un refus absolu à toutes ces demandes. C'est risqué, hein ? Très risqué. Le prieur, Christian de Chergé, dit que le frère Luc est vieux et malade. Pas question pour lui de courir la montagne. Mais si des blessés se présentent au monastère, il les soignera. Quant à l'argent, c'est bien simple. Les moines n'en ont pas. Ils vivent dans une extrême pauvreté. Réaction alors des islamistes alors ? Ils sont impressionnés par le calme du prieur. En outre, ce dernier ne manque pas de leur rappeler que c'est la nuit de Noël et que le Coran respecte le Christ. Et finalement, contre toute attente, Atiya accepte de retirer ses hommes. Il va même plus loin puisqu'il donne l'amam au prieur. L'amam, c'est-à-dire une promesse de paix, hein, c'est et ça ? Et c'est un engagement solennel pour les musulmans. Atiya a donné sa parole. 2 mois plus tard, il est tué dans un engagement avec une faction rivale. Mais son successeur, Ali Ben Hadjar, renouvelle la main. Les moines, après cette véritable nuit d'angoisse, n'ont-ils pas songé alors à quitter le monastère ? Ah oui, mais ils se sont à nouveau réunis. Ils ont évalué avec lucidité la situation ils ont choisi de rester. Je pense que ce qui a emporté leur décision, c'est leur volonté de ne pas abandonner la population locale à laquelle ils rendaient tant de services. Mmh. Ils restent donc. Mmh. Mais ils limitent leur sortie à l'extérieur du monastère et vont vivre ainsi plus de 2 années de paix relative. Mmh. Seulement relative. Oui, la violence redouble. L'armée et les islamistes se livrent une guerre sans merci. Des religieux catholiques, hommes et femmes, sont assassinés et le chef d'une autre faction du GIA, un nommé Jamel Zitouni, menace les moines et exige à nouveau leur départ. Mmh. Parce qu'il y a donc alors plusieurs GIA Il existe en tout cas des groupes rivaux qui n'hésitent pas à s'affronter les armes à la main avec la plus grande violence. En principe, leurs querelles sont idéologiques, mais en réalité, ce sont surtout des sortes de gangs qui se battent pour le pouvoir. Alors, pour simplifier, disons que la bande de Zitouni se range parmi les plus extrémistes. Et les plus violents, donc. Naturellement. Mmh. Zitouni, à force d'éliminations successives, finira d'ailleurs par s'attribuer le titre d'émir du GIA. Et c'est cet ancien vendeur de poulets qui va, en principe, jouer le rôle principal dans l'affaire des moines de Tibérine. Cependant, il faut encore le souligner, ces combattants islamistes ont plutôt besoin des moines. Oui, à cause de la présence parmi eux du médecin, c'est vrai. Et des services qu'il rend à leurs malades et blessés. Et ça, c'est un point très important. Oui, parce que ça élimine en tout cas un des mobiles de l'assassinat. Exactement. C'est en mars 1996, à la fin du mois et en pleine nuit, qu'un commando investit le monastère de Tibérine. 7 moines sont enlevés, 2 autres ont heureusement eu le temps de se dissimuler. Et alors ce commando-là, c'était des hommes du GIA ? Franchement, je ne sais pas. Et si on a évoqué le GIA, c'est uniquement parce que ce Zitouni va revendiquer l'enlèvement à la mi-avril. Oui, mais qui d'autre aurait pu procéder à cet enlèvement hein ? Je ne vais pas financer, mais selon des témoignages relativement sérieux, il aurait pu s'agir de militaires déguisés en islamistes barbus, ou bien encore d'auxiliaires aux ordres de l'armée. Et vous basez sur quoi, là, pour formuler de telles allégations ? Eh bien, sur ces déclarations de repenti oubliées dans le coffre-fort du juge Bruguère. Ouais. Et aussi sur le fait que les 2 camionnettes bâchées, qui ont servi au transport des moines, auraient été aperçues dans une caserne de l'antenne de la DRS, la Direction du Renseignement et de la Sûreté Algérienne. Mais l'indice le plus troublant, c'est la présence parmi les ravisseurs d'un homme dont nous avons déjà parlé ensemble. Qui alors ? Un type qu'on désigne surtout par son surnom, El Para. Ouais, le Para. Oui, un personnage aussi louche que mystérieux. Rendez-vous avec X. Nous allons bien sûr revenir avec M. X sur la personnalité d'El Para. Auparavant, si, comme l'insinue mon interlocuteur, les autorités algériennes ont pu avoir une responsabilité dans l'enlèvement, reste à expliquer pourquoi. Dans leur ouvrage « France-Algérie, crimes et mensonges d'État », Lounis Agoun et Jean-Baptiste Rivoire propose l'explication suivante, je cite. En 1992, des maquis islamistes commencent à se constituer dans la région de Médéa. Un an plus tard, l'armée multiplie bombardements au napalm et ratissage dans la région. Malgré eux, les moines deviennent témoins de la sale guerre que l'armée mène contre les islamistes. Ils dérangent d'autant plus les patrons de la lutte antiterroriste qu'au lieu de dénoncer les maquisards islamistes blessés qui se présentent au monastère, ils les soignent et les protègent discrètement, comme leurs prédécesseurs avaient déjà soigné et protégé les maquisards de l'ALN lors de la précédente guerre d'Algérie. Quand les frères de la montagne nous demandaient si on pouvait les soigner, se souvient le frère Jean-Pierre Schumacher, portier du monastère et miraculeusement réchappé de l'enlèvement, on leur disait « On ne regarde pas les cartes d'identité, on ne regarde pas qui vous êtes, mais si vous venez, venez avec les autres. » On les reconnaissait assez facilement. Ils avaient généralement une djellaba et ils étaient armés. Ils cachaient leurs armes dans une sacoche. Pour les autorités, engagées dans un terrible combat contre les maquis islamistes de la région, l'attitude des moines est évidemment inacceptable. Rappelez-moi, là, pourquoi m'avez-vous déjà parlé de El Para ? J'ai évoqué ce personnage à propos d'une prise d'otage de touristes allemands dans le Sahara en 2003. El Para, dont le véritable nom serait Saifi Lamari, mais on le connaît aussi sous le patronyme d'Abderrazak, aurait dirigé le commando du GSPC responsable de cette opération. Mais le GSPC, c'est le groupe salafiste pour la prédication et le combat. Oui, une organisation terroriste et islamique qui est aujourd'hui devenue Al-Qaïda Maghreb islamique. Dont on parle beaucoup. Là. Oui, alors intéressons-nous au parcours de cet homme qui aurait donc peut-être été mêlé à l'enlèvement des moines. El Para n'a pas usurpé son surnom. Il a été effectivement parachutiste dans l'armée algérienne. Il aurait aussi, au début des années 90, été le garde du corps du ministre de la Défense, le très influent général Nezar. Puis, il aurait démissionné et serait passé dans la clandestinité. Ouais, il y a beaucoup de conditionnels dans votre récit. Hein. Bah, car le flou est de rigueur, mais enfin, passons. El Para rejoint alors le GSPC, dont l'émir, comme on dit dans ces mouvements islamiques armés, est alors Hassan Attab. Un ancien du GIA. Et El Para serait devenu son second. Quoi, à cause de son expérience militaire ? Vraisemblablement. Ouais. Et donc en mars 2003, 32 touristes, dont beaucoup d'Allemands, sont enlevés alors qu'ils effectuaient une randonnée au Sahara. Et c'est à cette occasion qu'on va vraiment entendre parler du GSPC. Exactement, oui. Et à l'époque, c'est une entité parfaitement mystérieuse. Le premier groupe est libéré au mois de mai, et le deuxième ne le sera que beaucoup plus tard, en août. Et des rançons ont été versées ? En effet, des millions de dollars. Mais on n'en saura pas beaucoup plus, car toute l'affaire reste entourée de mystères. Et les otages libérés sont priés de ne pas donner de détails sur leur aventure. Ainsi, selon la version officielle, celle du gouvernement algérien, c'est l'armée qui aurait délivré le premier groupe de touristes. Ouais, dans des conditions qui n'ont jamais vraiment été éclaircies. C'est ça. Début mars 2004, El Para et une cinquantaine de ses partisans sont attaqués et faits prisonniers par des rebelles tchadiens. Ces hommes identifient rapidement El Para comme étant ce dirigeant salafiste recherché depuis l'affaire des otages. Et c'est une belle prise. Ah oui, qu'il pourrait monnayer. Eh, pourquoi pas. Et El Para lui-même leur en donne l'idée. Il affirme qu'il connaît beaucoup de monde en Algérie et que ses amis pourraient payer très cher sa libération. Mais les Tchadiens ne veulent pas entrer dans son jeu. Et c'est avec le pouvoir algérien qu'ils veulent avoir affaire. Et effectivement, une délégation part pour Alger où elle est reçue par le chef de la DRS, le général Médiane. La négociation échoue. Mais les Tchadiens découvrent au passage que les services algériens sont très au courant des pérégrinations d'El Para et possèdent même son numéro de téléphone cellulaire. Alors, ils auraient pu facilement le localiser. Bon, la suite est pour le moins ténébreuse. Après un passage par la Libye, El Para est enfin remis aux autorités algériennes, sans doute vers la fin 2004. Il est donc alors dans les mains de le DRS ou la DRS ? La direction de la sûreté algérienne. Oui, il aurait été consigné dans une caserne de Blida où, toutefois, il serait libre de ses mouvements. C'est de plus en plus bizarre, votre histoire. Ce n'est pas fini. En 2005, El Para est jugé. Mais comme il ne paraît pas à la barre, il est condamné par contumace. Pour le tribunal, il est considéré en fuite. Alors que, vous m'avez dit, il est consigné dans une caserne algérienne. Apparemment, une seule explication permet de dissiper tous ces mystères. Ouais, je vois. Là. El Para est un agent algérien. Un agent de la DRS, oui. Et pour éviter qu'il ne soit désigné en tant que tel, il fallait le mettre à l'abri. Mais est-il encore en vie, là ? Parce que c'est quand même un témoin gênant, celui-là. Eh bien, désolé, mais je suis incapable de répondre à cette question, quoi qu'il en soit. Il me semble que je vous ai indiqué que le GSPC, et donc aujourd'hui Al-Qaïda Maghreb islamique, pourrait être infiltré, sinon manipulé par les services algériens. Et ça, ça donnerait un éclairage différent sur certaines affaires récentes, comme par exemple l'assassinat de notre malheureux compatriote Michel Germano. Mais nous aurons sans doute à en reparler un jour. J'ai bien noté. Avant de revenir directement au drame de Tibirine, je vous propose donc de voir par le détail pourquoi, depuis longtemps, on a de bonnes raisons de suspecter l'existence de curieuses relations entre les autorités algériennes et les terroristes islamistes. En 1993, en octobre très précisément, trois fonctionnaires du consulat français à Alger sont enlevés. Un enlèvement revendiqué rapidement par le GIA qui réclame pour leur libération l'élargissement de l'Ayada, un fondamentaliste musulman emprisonné en Algérie et considéré justement comme le père fondateur du GIA. C'est aussi la libération de cet homme qui sera réclamé par les ravisseurs des moines. Oui, aussitôt le gouvernement français envoie des émissaires à Alger. Et là, il se passe quelque chose de tout à fait extraordinaire. Ces envoyés spéciaux rencontrent en particulier des membres de la DRS. Et là, tout go, on leur dit de ne pas s'inquiéter car les trois fonctionnaires vont bientôt être libérés. Ah, la DRS a donc de bons tuyaux. Ah, très très bon, car c'est elle qui a fait enlever ces trois Français. Elle l'avoue dans ses termes aux émissaires français. Bien sûr que non. Le jeu est plus subtil, mais c'est bien la vérité. Alors, que cache cette manipulation? Les Algériens veulent obtenir du gouvernement français, et surtout de Charles Pasqua, qu'il engage une lutte résolue contre les islamistes qui se trouvent sur notre sol. Au fond, c'est une sorte de chantage. Ça y ressemble, oui. Le message est aussitôt transmis à Paris. Pasqua accepte le marché. Les trois fonctionnaires sont libérés. Et quelques jours plus tard, la police française donne un grand coup de balai dans la fourmilière islamiste. C'est l'opération Chrysanthème. Des dizaines de militants de la Fédération algérienne en France sont arrêtés. Donc, quand les moines sont enlevés, là, le gouvernement français peut penser qu'il s'agit d'une réédition du coup de 1993. Certainement. Enfin, n'allons pas trop vite. Car entre-temps, d'autres événements se sont produits. En décembre 1994, un commando du GIA prend en otage les passagers d'un Airbus d'Air France qui allait décoller d'Alger. Et c'est à cette occasion qu'on entend parler pour la première fois de Jamel El-Zitouni, qui se présente comme étant l'émir du GIA. Il revendique l'opération. Oui. Ouais. Le GIA veut que Paris cesse de soutenir inconditionnellement le pouvoir algérien. Et il exige la libération de plusieurs prisonniers islamistes en Algérie, dont les chefs du FIS. Et s'il n'obtient pas satisfaction, il menace d'égorger tous les passagers et de faire sauter l'avion. À Alger. Oui, sur le tarmac de l'aéroport. Des négociations difficiles s'engagent entre les autorités algériennes et les terroristes. Trois passagers sont égorgés et quelques dizaines d'autres sont libérés. Naturellement, la France veut avoir son mot à dire. Mais Alger renacle. C'est une question de souveraineté nationale. Ce qui est vrai. Oui, mais l'avion et beaucoup de passagers sont français. En outre, Paris a la conviction qu'Alger ment et ne communique pas toutes les informations dont il dispose. Et ils font menacer les Algériens de rompre les relations diplomatiques pour qu'ils acceptent de laisser décoller l'avion, avec juste assez de kérosène pour rejoindre Marseille. Bon, la suite, vous la connaissez. L'Airbus se pose donc à Marseille, et là, un commando du GIGN parvient à pénétrer dans l'avion et à tuer les quatre terroristes. Une opération dont s'enorgueillira le gouvernement. À juste titre. Mais la réplique du GIA est immédiate. Dès le lendemain, quatre pères blancs résidant en Algérie, dont trois Français, sont assassinés. En tout cas, d'ores et déjà à Paris, on a l'impression, surtout après le curieux vrai-faux enlèvement de nos diplomates, que les Algériens jouent un jeu curieux. Et qu'ils veulent surtout démontrer que la menace du terrorisme islamiste n'est pas vaine. Alors y compris, peut-être, en instrumentalisant ces mêmes terroristes. C'est ce qu'on commence à se dire. Et cette question devient encore plus lancinante avec la vague d'attentats qui va frapper la France en 1995. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Dans un article publié par le site Mediapart, l'historien éditeur François Gèze donne sa lecture de l'affaire de l'Airbus qui relève, selon lui, d'une manipulation des terroristes par les généraux algériens. Extrait. Point essentiel. Un mois plus tôt, le 21 novembre 1994, s'est tenu à Rome, à l'initiative de la communauté catholique Sant'Egidio, une réunion des représentants des principaux partis d'opposition au régime algérien, y compris le FIS, pour discuter des conditions d'un retour à la paix. Les généraux paniquent. Leurs opposants montrent qu'ils peuvent présenter une alternative crédible. Et la communauté internationale, la France au premier chef, risque donc d'être amenée à reconnaître enfin que ce sont bien les généraux qui bloquent tout processus de paix en Algérie. D'où, plus que probablement, leur décision d'organiser le détournement de l'Airbus. Mais je ne reviens pas sur le détail de ces attentats de 1995 qui ont ensanglanté Paris. Mais il nous faut d'abord savoir qu'ils sont à nouveau revendiqués par Zitouni. C'est-à-dire l'émir du commando de l'Airbus et le présumé ravisseur des moines de Tibirine. En effet. Mais avant de reparler de ce Zitouni, un mot sur le personnage qui semble avoir été le vrai chef des terroristes de 1995 et qui était en contact direct avec les commanditaires des attentats. Et donc avec Zitouni. Et d'autres dissimulés dans l'ombre, oui. En tout cas, cet homme a échappé à la police, à la différence d'un certain nombre de ses comparses. Cet individu, Ali Touchent, se fait aussi appeler Tarek. C'est loin d'être un inconnu pour la police française. En 1989, cet étudiant en architecture a déjà suscité la curiosité de la DST. Oui, notre contre-espionnage. Et pourquoi ? Il a créé à Paris une section du FIS. Enfin, on le laisse aller. Mais le FIS était alors un parti légal en Algérie. C'est juste. Mmh. La suite est confuse. Après un séjour dans son pays, au moment des élections législatives, il revient en France, où il ne cesse de voyager sous les identités les plus diverses. C'est déjà un militant clandestin. Alors. C'est certain. Mais écoutez la suite. En 1993, lorsque Pasqua déclenche la première rafle dans les milieux islamistes, Touchent échappe miraculeusement à l'arrestation. Une autre fois encore, la même année, alors qu'il s'est caché dans un foyer d'immigrés, il parvient à s'enfuir. Ensuite, on le signale dans plusieurs pays européens où il est soupçonné de se livrer à des trafics d'armes. En faveur des maquis islamistes. Bien sûr. Et à nouveau, il réussit à fuir à temps lorsque la police belge s'attaque à un réseau du GIA en mars 1995. Toutefois, la DST le suit à la trace. Mais l'homme est insaisissable. Et quand la police démantèle le réseau des poseurs de bombes de 1995, Touchent s'échappe à nouveau. Ça fait beaucoup, hein. Et la première explication qui vient à l'esprit est que ce Touchent aurait pu être une taupe des services, peut-être des services français, et qu'à chaque fois, il aurait été alerté à temps. Mais pensez-vous que si ça avait été un type manipulé par nos services, ceci aurait laissé le GIA commettre des attentats aussi meurtriers sur notre sol? Non. Non, ça me paraît difficile à avaler. Alors, bon, je veux bien, mais pourquoi ce Touchent a pu s'en sortir à chaque fois? Mais la suite va vous permettre de vous faire une idée. En 1996, Touchent se trouve en Grande-Bretagne, puis il disparaît. On le retrouve à Alger, où pourtant il est en principe activement recherché. Il habite dans une cité où sont logés les CNS, l'équivalent de nos CRS. Bizarre, non? Oui, je vous le concède, oui. Et en 1997, il décède de mort violente dans l'un des endroits les plus surveillés d'Alger, près de l'hôtel Edjazaïr. Mais il faudra attendre plusieurs mois pour que les autorités algériennes identifient formellement son cadavre et communiquent ses empreintes digitales aux enquêteurs français. Ouais, je vois ce que vous voulez insinuer. La Touchent était en réalité un agent des services algériens. Et il a été abattu parce qu'il en savait trop. Ouais. Ça n'explique pourtant pas comment il a pu échapper à chaque fois à la police. La DST française était dans les meilleurs termes avec la DRS algérienne. Les deux services s'échangeaient des tuyaux et collaboraient dans la lutte contre les organisations islamistes. Les Algériens étaient donc bien placés pour prévenir Touchent des menaces qui pesaient sur leur taupe. En fait, grâce à ce type, la DRS surveillait à distance les activités du GIA en France. Je ne suis pas le seul à le dire, hein. Le propre frère de Touchent l'a reconnu. Peut-être, mais Alors la DRS aurait laissé faire les terroristes, malgré ses liens avec la DST? Et si c'est vrai, quel était l'intérêt des Algériens? Les services algériens voulaient nous impliquer dans la guerre qu'ils menaient eux-mêmes. Cette sale guerre et tous ces coups tordus qui leur permettaient de rester au pouvoir. Mmh. Et le drame de Tibirine, alors, serait l'un de ces coups tordus? C'est ce que semblent montrer de nombreux indices concordants. Je vous ai déjà parlé d'El Para, qui a été aussi présenté comme étant, en 1996, l'un des adjoints de Zitouni. El Para, qui aurait été présent dans une caserne de la DRS le soir où les moines ont été enlevés. Mais je vous fais à nouveau remarquer que ces informations proviennent de témoignages suspects, puisque recueillis peut-être sous la contrainte par la police algérienne. Et toujours, selon ces mêmes sources, aurait été aussi présent un autre adjoint de Zitouni, un nommé Mouloud Azout. D'après un ancien militaire algérien qui a fait défection, l'adjudant Abdelkader Tega. Avant le rapt, Azout aurait même longuement reçu la visite d'un éminent personnage, le numéro 2 du DRS, Smaïn Lamari. Et à la suite de cette visite, cette caserne de Médéa a été placée en état d'alerte. Et le soir, les deux camionnettes bâchées dont je vous ai déjà parlé sont sorties. Direction Tibirine? Possible. Ouais, mais tout ça, là, est-ce que ça suffit pour affirmer que la DRS est impliquée? Dans un certain sens, oui, mais peut-être pas comme on le prétend. Ah ben, vous m'expliquez alors. Un petit peu de patience, si vous voulez bien, car pour l'instant, on est en plein brouillard. Si le juge Trévidic en a les moyens et parvient à récupérer les nombreux documents encore couverts par le secret défense, il découvrira peut-être une partie de la vérité. Alors, que penser de l'attitude de son prédécesseur, le juge Bruyère? J'ai déjà évoqué cette curieuse affaire du coffre-fort. Mais il n'y a pas que ça. Il faut bien constater que ce magistrat, malgré les demandes répétées des avocats représentant les familles des moines, n'a pas fait preuve de zèle, le moins qu'on puisse dire. Il n'a, par exemple, jamais entendu cet adjudant, qui a pourtant fait des révélations assez étonnantes sur la DRS. Alors, bon, inutile de tourner autour du pot, le juge d'instruction, qui a toujours eu la réputation d'être très proche du pouvoir, s'est incliné devant la raison d'État. La raison de l'État français? C'est bien ce que je veux dire. Ouais. Car impliquer la DRS dans cette affaire, ça signifie aussi contrarier gravement les autorités d'Alger. Car aujourd'hui, comme hier, les généraux algériens demeurent très puissants dans leur pays. Mais du côté français aussi, on pourrait déterrer quelques détails bien embarrassants. Ben quoi, par exemple? Sur la volonté du pouvoir d'étouffer cette affaire qui pourrait mettre à mal nos relations déjà bien difficiles avec Alger. Ou encore à propos de la rivalité qui a opposé nos services secrets tout au long des longues semaines qui ont précédé la mort des moines. Ouais, DST contre DGSE. C'est allé très loin. Traditionnellement, la DST, c'est-à-dire le contre-espionnage français, entretenait des liens très étroits avec la DRS algérienne. Alors, dans quelle mesure cette compétition et l'intervention de quelques personnages comme le célèbre Marchiani n'ont-elles pas compromis la tentative de libération programmée par la DGSE? La question, en tout cas, mérite d'être posée. Et un homme qui vient d'être entendu par le juge pourrait peut-être bien y répondre. Mais qui, alors? Le général Rondeau, qui, lui aussi attaché à la DST après avoir été un officier de la DGSE, possédait d'excellents contacts à Alger. Pendant la détention des moines, il s'est même déplacé là-bas. Il a forcément rencontré les responsables de la DRS. Mais pour achever de vous convaincre, il me faut vous parler de la disparition de deux hommes mêlés à l'affaire. Le premier, ça ne vous étonnera pas, c'est ce Zitouni, qui est toujours officiellement présenté comme le ravisseur. Et que lui est-il arrivé, Il a été liquidé dans des circonstances qui n'ont toujours pas été éclaircies. Pour Alger, il aurait été tué au cours d'un affrontement avec un groupe rival. Et ça ne serait pas autrement surprenant, car Zitouni lui-même n'a jamais hésité à assassiner tous ceux qui lui faisaient de l'ombre. On pense même qu'il a exécuté plus d'islamistes que ceux qu'il était censé combattre, c'est-à-dire les militaires algériens. Mais s'il avait été directement ou indirectement manipulé par la DRS, ça ne serait pas très étonnant. En effet, car d'après les gens qui l'ont connu, il a surtout travaillé à monter les islamistes les uns contre les autres. En tout cas, sa disparition, peu de temps après la révélation de l'exécution des moines, ressemble à la liquidation d'un homme qui en savait trop. Encore un. Il a joué son rôle et, bon, il est plus utile. Et surtout, on veut éviter qu'il ne parle un jour de l'infiltration du GIA par la DRS. Le deuxième mort, c'est l'évêque d'Oran, Pierre Clavry. Je vous raconte. Au début du mois d'août, quelques semaines après la découverte des dépouilles des moines, notre ministre des Affaires étrangères, Hervé de Charette, se rend à Alger. Il va évidemment sur la tombe des moines de Tibérine et se prépare à rencontrer son homologue algérien. Auparavant, il a un entretien avec l'évêque d'Oran, Mgr Clavery, un homme qui connaît très bien l'Algérie. Ouais, mais possède-t-il des informations sur le drame de Tibérine ? C'est un point capital. En tout cas, il semble que l'entrevue ait été assez orageuse. Mais pourquoi ? L'évêque, qui était très proche des moines, aurait déclaré « Je sais qui a commandité l'exécution des moines ». Inquiet, le ministre aurait invité l'évêque à la prudence. En tout cas, après cette rencontre avec le ministre français, Pierre Clavery décide de rentrer à Oran, et même plus tôt qu'il ne l'avait prévu. Arrangeante, les autorités algériennes lui trouvent une place dans un vol vers Oran. Mais le prélat est à peine arrivé dans l'enceinte de son évêché qu'une bombe explose sur son passage. Un attentat ? Bien sûr. Une bombe commandée à distance. Et pas tout à fait dans la manière du GIA, qui utilisait plutôt des bonbonnes de gaz lors de ces attentats. Autre bizarrerie, seuls les services algériens savaient que l'évêque avait modifié son emploi du temps. Je vois ce que vous voulez dire. Mais j'ai encore beaucoup de questions à vous poser, mais notre entretien arrive à sa fin, alors. La question, la vraie question, pourquoi les moines ont-ils été exécutés ? Je pense d'abord que les moines n'avaient que très peu de chances d'en sortir vivants, parce que leur exécution attribuée au GIA constituait une nouvelle preuve de la barbarie des islamistes. Conclusion, il fallait donc faire confiance aux généraux pour lutter contre les barbus. Mais vous assignez donc que les moines n'ont peut-être pas été exécutés par leurs ravisseurs. Et je ne suis pas le seul à le croire. Un attaché militaire français, le général Buchwalter, a affirmé il y a un an au juge Trévidic avoir recueilli un témoignage selon lequel les moines auraient été tués au cours d'un mitraillage par un hélicoptère de combat croyant attaquer un camp de rebelles. Ouais, ça aurait été une bavure, quoi. Mais enfin, je n'y crois guère. Cependant, il y a peut-être là-dessous une amorce de vérité. L'exécution des moines aurait pu être maquillée en bavure. Une fausse vraie bavure, en somme. Cependant, je ne peux pas en dire plus. Mais vous tournez autour du pot, là. Vous laissez entendre que c'est l'armée qui aurait tué les moines. Soit, et c'est peut-être la clé de cette affaire. La DRS n'a certainement pas commandité l'enlèvement des moines. Comme en 1995, elle n'a pas orchestré les attentats de Paris ou en 1994, le détournement de l'Airbus. Mais à chaque fois, elle s'est débrouillée pour exploiter ses affaires à son profit, c'est-à-dire au profit du pouvoir algérien. Et c'est dans cette mesure que je crois qu'à partir du moment où les moines ont été enlevés par les barbus, ils étaient condamnés. Reste quand même ce dernier mystère, là. Pourquoi n'a-t-on retrouvé que la tête de ces malheureux moines ? Les corps criblés de balles n'auraient donc pas été présentables, si j'ose dire. Des livres pour éclairer cette tragédie de l'historien américain John Kaiser, Passion l'Algérie, les moines de Tibérine, de Lounis Agoun, La colonisation française en Algérie, 200 ans d'inavouable, et de Hossine Malti, L'histoire secrète du pétrole algérien. Enfin, un ouvrage allant à rebours de la thèse de la manipulation du GIA par la DRS algérienne, Le huitième mort de Tibérine de Rina Sherman. À samedi prochain, je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission et avec un peu de chance la podcaster. Et vous pourrez aussi obtenir des informations sur ce programme. Rebecca de Nantes a préparé cette émission. Réalisation Michel Billou. Et merci à Monsieur Jude pour ses notes de musique. Tout de suite après le flash CO2, mon amour, de Denis Chessou.